bien, bravo, bravo. Maître, Naksasa, Tozana, Kanisi, na minuit, minuit, trois minutes, minuit, trois minutes, na Est et Amboka, basa déjà na une heure, trois minutes. Mais le quoi, les autres hommes qui ont la poussou, problème, les alités. Je ne sais pas si tu es là. Et pas na bango. Et c'est comme il y en a. La solo. Mais le but, basa, on s'est raté. Bah, moussou, bah, ko sala. Oh. Na Kanisi, bah, tu es surtout. Boy bazana bilanga fo bana otala soki ndonde boti e biso to sala musala to yebi yo ko sala mais etikali na kanisi nzembo misatu ni balé donc yo lingi biso bata na 1 2 3 lelote parce que ba client ba yibi singa ba ko zina di banda kuna lelo ezali tour ya télévision yo lo bi publicité ba futa ka toujours nga na sai publicité na futi mais likambote nano to sali ba compte te